Toujours à l'occasion du 85e anniversaire de la fondation de l'héroïque armée populaire de Corée, le comité japonais de soutien à la réunification indépendante et pacifique de la Corée a fait parvenir le 24 la corbeille de fleurs au dirigeant suprême Kim Jong-un.